rire en rougissant, suivant la guerre qu'il fait, du fait des Allemands à cause des Anglais. Mourir baiseur intègre entre les seins d'une grosse, contre les os d'une maigre dans un cul de basse-fosse. Mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se racrapoter, mourir de se découdre, ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, pour vieillir. Mourir, mourir de rire, c'est possiblement vrai. D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'ose plus trop rire. Mourir de faire le pitre pour dérider le désert. Mourir face au cancer par arrêt de l'arbitre. Mourir sous le manteau, tellement anonyme, tellement incognito, que meurt un synonyme, ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, vieillir. Mourir couvert d'honneur et ruisselant d'argent, asphyxié sous les fleurs, mourir en monument. Mourir au bout d'une blonde, là où rien ne se passe, où le temps nous dépasse, où le lit tombe en tombe. Mourir insignifiant, au fond d'une tisane, entre un médicament et un fruit qui se fane. Ou terminer sa course la nuit de ses 1000 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh,